Chapitre 3e. Ce n'était pas dans la pièce exiguë de la Maison Rouge, dénommée le cabinet de travail, que Mr. Royal recevait ses rares clients. Il fallait, pour sa dignité professionnelle et aussi pour son indépendance, que l'avocat eût son cabinet sous un autre toit, et sa situation d'unique avocat de North Dormer avait exigé qu'il s'installât dans le bâtiment qui abritait la mairie et le bureau de poste. D'habitude, il s'y rendait deux fois par jour, le matin et l'après-midi. Le cabinet se trouvait au rez-de-chaussée de l'immeuble avec une entrée séparée. Une plaque à demi effacée s'étalait sur la porte. Avant d'y entrer, Mr. Royal passait toujours par le bureau de poste pour y prendre son courrier, cérémonie le plus souvent inutile, et entrait à la mairie pour dire deux mots au secrétaire qui se tenait dans le bureau de l'autre côté du vestibule. Ensuite, il se dirigeait vers la boutique en face, où Carrick Fry, l'épicier, lui gardait toujours une chaise. Il était sûr de trouver là un ou deux conseillers municipaux appuyés nonchalamment sur le long comptoir, au milieu d'une atmosphère chargée d'odeurs de chanvre, de cuir, de goudron et de café. Mr. Royal, presque toujours silencieux chez lui, ne dédaignait pas, certains jours, de communiquer ses opinions à ses concitoyens. Peut-être aussi ne tenait-il pas à ce que ses clients le vissent assis tout seul, sans même un clerc, dans son triste et poussiéreux cabinet. En tous les cas, les heures qu'il passait là n'étaient pour lui ni plus longues ni plus régulières que celles durant lesquelles Charity se morfondait à la bibliothèque. Le reste du temps, il le dépensait soit chez l'épicier, soit en carriole, à courir le pays pour des affaires intéressant les compagnies d'assurance qu'il représentait. Ou bien, il rentrait s'installer chez lui et se plongeait dans la lecture de l'histoire des États-Unis de Bancroft ou dans les discours de Daniel Webster. Depuis le jour où Charity lui avait dit son désir de succéder à Eudora Skeff, le rapport avait changé d'une façon indéfinissable mais profonde. Mr. Royal avait tenu sa parole. Il avait obtenu pour la jeune fille la place qu'elle convoitait, et cela non sans peine, en jugé par le nombre des candidats tribales et l'hostilité que deux d'entre elles, Orma Fry et l'aînée des sœurs Targat, n'avaient cessé de lui montrer. Il avait aussi pris comme cuisinière la vieille Verena Marsh de Creston. Verena était une pauvre veuve, faible d'esprit et sans ressources. Charity devina tout de suite qu'elle ne recevait que sa pension en paiement de ses services. Mr. Royal était trop avare pour donner quelques dollars par mois à une jeune servante quand il pouvait obtenir pour rien les services d'une pauvre sourde. Mais enfin, Verena était dans la maison, logée dans la mansarde au-dessus de la chambre de Charity, et le fait qu'elle était sourde ne gênait pas beaucoup la jeune fille, car celle-ci savait qu'elle n'avait nullement besoin d'être protégée contre les tentatives de Mr. Royal. Elle comprendrait parfaitement que ce qui était arrivé la nuit dont elle gardait un si pénible souvenir ne se reproduirait plus. Elle sentait que, si profondément qu'elle pût mépriser Mr. Royal, celui-ci se méprisait lui-même encore davantage. Si elle lui avait demandé la présence d'une femme dans l'habitation, c'était bien moins pour sa propre défense que pour humilier Mr. Royal. Elle n'avait besoin de personne pour la défendre. L'orgueil humilié de Mr. Royal serait toujours sa plus sûre protection. Il n'avait jamais prononcé un mot pour s'excuser ou pour atténuer sa faute. Entre eux, l'incident était oublié, mais ses conséquences étaient latentes, et dans les paroles qu'ils échangeaient, et dans les regards qu'ils détournaient l'un de l'autre instinctivement. Rien, dès ce jour, n'ébranlerait plus l'autorité de Charity dans la Maison Rouge. Le soir de sa rencontre avec le cousin de Miss Hatchard, couché dans son petit lit de bois, les bras nus croisés sous sa tête, elle continuait de penser à lui. Sans doute avait-il l'intention de séjourner quelque temps à North Dormer, puisqu'il lui avait dit qu'il voulait étudier les vieilles maisons des environs. Elle ne saisissait pas au juste ce qu'il voulait dire par là, puisque toutes les maisons du pays étaient vieilles, et lui semblait également laide et triste. Mais elle comprit qu'il avait besoin de s'aider de lecture, et tout de suite, elle prit la résolution de rechercher dès le lendemain matin le volume qu'elle n'avait pu trouver, ainsi que tous les autres qui lui sembleraient traiter du même sujet. Jamais son ignorance de la vie et de la littérature n'avait tant pesé sur elle que lorsqu'elle se souvenait de leur conversation. « Cela ne sert à rien d'essayer d'être quelque chose ici, » gémit-elle, toute frémissante à la pensée de la vie inconnue des grandes villes, de villes encore plus brillantes que Nettleton, ou des jeunes filles plus élégantes encore que Belbach, discourait sur l'architecture avec des jeunes gens aux mains aussi soigneusement tenues que celles de Lucius Harney. Puis elle se rappela la façon brusque dont il s'était arrêté devant elle, en posant son regard sur elle pour la première fois. Brusquement, il avait oublié ce qu'il allait lui dire. Charity revit le changement subit de son visage. Sautant de son lit, elle courut sur le plancher nu jusqu'à la commode, alluma une bougie et l'éleva à la hauteur du carré du miroir accroché au mur blanc. Sa figure, d'habitude si pâle, s'épanouissait comme une rose sous la lumière, et sous sa chevelure en désordre, ses yeux semblaient plus profonds et plus grands que dans le jour. Peut-être avait-elle tort de regretter qu'ils ne fussent pas bleus. Un col étroit fermé par un bouton serrait au cou sa chemise de nuit en coton écru. Elle l'ouvrit, mit à nu ses minces épaules, et se vit en robe de mariée, sortant du temple au bras de Lucius Harnay. Sur le seuil de l'église, il s'arrêtait et posait un baiser sur ses lèvres. Elle remit soudain la bougie sur la commode et se couvrit le visage avec les mains, comme pour y emprisonner le baiser rêvé. À ce moment, elle entendit le pas pesant de Mr. Royal qui montait dans sa chambre. Une réaction violente la bouleversa toute. Jusqu'alors, elle l'avait seulement méprisée. Maintenant, une haine profonde emplissait son cœur. Il n'était plus pour elle qu'un vieillard grotesque et repoussant. Le lendemain, quand Mr. Royal rentra pour le repas de midi, ils se firent vis-à-vis en silence, comme d'habitude. La présence de Verena leur servait de prétexte pour ne pas parler, bien que sa surdité eût permis une complète liberté de parole. Mais le repas terminé, quand Mr. Royal se leva de table, il se tourna vers Charity, restée auprès de la vieille femme pour l'aider à desservir. « Je voudrais vous parler, » dit-il. Elle le suivit, étonnée, et entra dans son cabinet de travail. Ils étaient assis dans le grand fauteuil de cuir. Charity s'appuya nonchalamment contre la fenêtre, d'un air indifférent. Elle était impatiente, cette fois, de gagner la bibliothèque, afin de chercher le livre sonore Dormer que le jeune Harnay lui avait demandé. « Dites-moi, » dit l'avocat, « pourquoi n'êtes-vous pas à la bibliothèque les jours où vous devez y être ?» Cette question inattendue arracha Charity brutalement à son rêve. Sans proférer une parole, elle regarda fixement Mr. Royal. « Qui vous a dit que je n'y suis pas ?» demanda-t-elle enfin. « Il y a eu des plaintes, paraît-il. Mais Satchard m'a fait demander ce matin à ce sujet. » La rancune de Charity éclata. « Ah, je comprends. C'est Dormer Fry, ou cette vilaine Ida Targat, ou bien Ben Fry, ce rien du tout qui tourne autour d'elle, ah, les sales espions. Je n'ai jamais ignoré qu'ils cherchaient à me faire partir. Comme si on s'en servait jamais de cette ridicule bibliothèque, où en somme personne ne met jamais les pieds. Pourtant, quelqu'un est venu hier, et vous n'y étiez pas. Hier ? » dit-elle distraitement, en souriant à ses heureux souvenirs. « À quel moment n'y étais-je pas hier ? Vers 4 heures ?» Charity se tut. Tout entière au souvenir de la visite du jeune Harnay, elle avait complètement oublié que dès le départ de celui-ci, elle avait quitté la bibliothèque et pris la clé des champs. « Qui donc est venu à 4 heures ?» demanda-t-elle, intriguée, cette fois à son tour. « Miss Hatchard. »« Miss Hatchard ? Mais elle n'a jamais mis les pieds dans la bibliothèque depuis son accident. Elle n'aurait pas pu monter les marches. » « On l'aura aidée, sans doute. Elle y a été hier, en tout cas avec le jeune homme qui est en ce moment en visite chez elle. Il paraît qu'il est allé à la bibliothèque au commencement de l'après-midi et qu'en rentrant, il a déclaré à Miss Hatchard que les livres étaient en mauvais état et la bibliothèque mal tenue. Elle s'en est émue et a voulu s'y rendre immédiatement. Arrivée à la porte, elle a trouvé celle-ci fermée. Alors elle m'a fait venir et m'a raconté la chose. Elle prétend de plus qu'il y a eu de nombreuses plaintes et déclare qu'elle va vous faire remplacer par une bibliothécaire de métier. » Charity, désemparée, l'écoutait en silence. La tête appuyée contre le montant de la fenêtre, les bras pendants, elle se tenait immobile, serrant ses mains l'une contre l'autre. De tout ce qu'avait dit Mr. Royal, elle n'avait retenu que la phrase « Il a dit à Miss Hatchard que les livres étaient en mauvais état. » Que pouvait-il bien lui faire les autres accusations ? Malveillance ou vérité, elle les méprisait comme elle méprisait ses détracteurs. Mais que l'étranger vers qui elle s'était sentie si mystérieusement attirée l'ait ainsi soudainement trahie. Qu'au moment même où elle s'était enfuie sur la colline pour mieux penser à lui, il soit rentré en hâte pour dénoncer sa négligence à Miss Hatchard. Non, cela ne pouvait être. Elle se souvint de quelle façon, dans l'obscurité de sa chambre, elle s'était couvert le visage pour y emprisonner le baiser imaginé, et son cœur se mit à frémir de colère contre le jeune homme. « C'est bien, je partirai, » conclut-elle tout à coup. « Je partirai tout de suite. »« Partir où ? » s'écria l'avocat. Elle perçut l'effroi dans la voix de Mr. Royal. « Hors de la bibliothèque et tout de suite encore, et jamais je n'y remettrai les pieds. Vous entendez ? Je ne veux pas qu'il s'imagine que j'attendrai dans l'espoir de me faire pardonner. » « Charity, Charity, écoutez !» supplia Mr. Royal en se levant lourdement de sa chaise. Mais elle fit un geste comme pour le repousser et sortit vivement de la pièce. Elle monta prendre la clé de la bibliothèque à l'endroit où elle la cachait toujours sous sa pelote. Qui donc osait dire qu'elle n'avait pas d'ordre? Puis, mettant son chapeau, elle descendit vivement dans la rue. Si Mr. Royal l'entendit partir, il ne fit aucun mouvement pour la rappeler. Ses propres accès de colère lui faisaient probablement comprendre qu'il était inutile de raisonner avec ceux de Charity. Elle atteignit le petit temple consacré à la mémoire du jeune Hatchard et entra dans la pénombre glaciale. « Au moins, je ne serai plus obligée de me morfondre dans ce caveau tandis que les autres sont dehors, au soleil, » dit-elle à voix haute, prise du petit frisson qu'il essayait toujours quand elle franchissait le seuil de la bibliothèque. Elle regarda avec dégoût les longues rangées de livres poussiéreux, la minerve au profil de brebis sur son socle noir, et le jeune homme au sourire béat, engoncé dans sa grande cravate, dont l'effigie pendait au-dessus de son bureau. Elle voulait reprendre dans le tiroir son rouleau de dentelle et le registre de la bibliothèque et se rendre tout de suite chez Miss Hatchard afin de lui remettre sa démission. Mais soudainement, un grand désespoir s'abattit sur elle et elle se laissa choir lamentablement sur sa chaise, le visage appuyé contre le rebord du bureau. Son cœur était ravagé par la découverte la plus cruelle que la vie ménage au cœur tendre. Le premier être humain venu vers elle à travers le désert de son existence lui avait apporté l'angoisse au lieu de la joie. Elle ne pleurait pas. Elle avait les larmes difficiles des solitaires, et les orages de son cœur s'épanchaient intérieurement. Mais comme elle restait là, dans sa douleur muette, elle sentit tout à coup sa vie par trop désolée, par trop laide, et par trop intolérable. « Qu'ai-je donc fait pour être si malheureuse ? » gémit-elle, appuyant ses mains contre ses paupières qui commençaient à se gonfler de larmes. Et dans les sanglots qui lui barraient la gorge, elle hoquetait « Non, je ne veux pas. Je ne veux pas aller là-bas avec une telle figure. » Mais bientôt elle se redressa et poussa en arrière ses lourds cheveux épars comme il l'étouffait. Puis elle ouvrit le tiroir, s'empara du registre et se dirigea vivement vers le seuil. À ce moment la porte s'ouvrit et le jeune cousin de Miss Hatchard entra en sifflotant.